L'Allemagne subit une très très forte pression de la part des États-Unis et de l'OTAN. Encore une fois, les États-Unis ne s'impliquent pas. Ils ne se sont pas impliqués lors de la Première Guerre ni la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ils ne veulent pas de confrontation directe avec les Russes. Déjà, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les armes pour, ils n'ont pas les munitions pour. On l'a remarqué, il y a eu beaucoup d'articles et beaucoup de documents qui ont circulé, notamment sur Afrique Média, on en a parlé. L'OTAN est à court de munitions et à court d'armes. Donc déjà, ils commencent à toucher à tout ce qui est armes stratégiques et munitions stratégiques. Dernière en date, c'était la semaine dernière où les Américains ont pioché dans ce qu'il y a en Israël. Et Israël a déjà des difficultés. Donc il y a déjà ce problème. Afrique Média, le monde, c'est nous.